Metal Express avec Eric. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux donc de vous retrouver après une semaine difficile puisque j'avais perdu ma voix et ouais, ça arrive de temps en temps d'avoir mal à la gorge. Donc c'est fait, donc c'est tout propre, c'est bien nettoyé, c'est reparti, la voix est revenue, on peut retravailler correctement. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 21h, c'est le Metal Express, j'espère que vous êtes bien installés car ce soir il y aura pas mal de choses à voir et il y aura également des EP du groupe Fécampois à Giro à gagner, j'en reparlerai tout à l'heure. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal et qu'on a des partenariats radio pour ça, il y a également Radio Frequenzik, Indie Spirits, et Canal Fuzz Radio. Radio Heavy Metal a également sa page Facebook, mais ça vous le savez. Puis il y a également la page Facebook du Metal Express. Donc si vous avez envie de me laisser un petit message, vous n'hésitez pas et je répondrai. Voilà, donc on va commencer l'émission sans perdre trop de temps avec le groupe Deep Purple. Ouais, on va commencer comme ça. Ce morceau s'intitule Perfect Strangers, donc extrait de l'album Perfect Strangers qui est sorti donc en 1984. Allez, c'est parti, voici Deep Purple pour vous, rien que pour vous, et dans le Metal Express jusqu'à 21h. C'était la reformation donc de Deep Purple en 1984, Perfect Strangers. Allez, maintenant on va attaquer avec un groupe qui s'appelle Foglight et ce morceau s'intitule Aika. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Le groupe est donc finlandais, c'est instrumental rock metal prog, c'est excellent. Le groupe s'appelle Foglight et le morceau qu'on a écouté s'appelle Aika donc, et ils ont une page Facebook. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. En attendant, voici Nervosa, le morceau qu'on va écouter s'appelle Bleeding. Bonne écoute. Le groupe s'appelle Nervosa et le morceau qu'on a écouté à l'instant, c'est Bleeding. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, après Nervosa, voici un groupe qui s'appelle Falcon et le morceau qu'on va écouter s'appelle Vixen. We'll be right back. ce groupe Falcon nous vient des Indes, donc ils nous font un heavy metal excellent. Ils sont influencés comme des groupes comme Riot, Judas Priest, voire Saxon, Iron Maiden, Tank, Dio, et j'en passe. Ils ont une page Facebook, donc vous pouvez aller faire un petit tour. En attendant, voici Ghost, le nouvel album, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Rats. Yeah. le groupe Ghost avec le morceau Rats. Je vais faire gagner un premier EP donc du groupe Fécampois Agiro. Alors donnez-moi le nom de l'album, du nouvel album, pardon, du groupe Ghost qu'on vient d'écouter à l'instant. Vous m'envoyez ça donc sur la page Radio Heavy Metal, voire sur la page du Metal Express. Vous me donnez le nom donc de l'album du groupe Ghost, le nouvel album, et le CD EP du groupe Fécampois Agiro sera à vous. En attendant, voici Blistered Earth avec le morceau Inside. Bonne écoute! un très bon groupe de metal américain. Il s'appelle Blistered Hearts. Avec le morceau Inside, ils ont une page Facebook, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est pas mal, je suis dessus, franchement. Apparemment, ils font des reprises de Metallica. Allez jeter un petit coup d'œil donc sur le groupe Blistered Hearts. Allez, voici tout de suite un petit jingle. Ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour sa contact radio et V-Metal sur Facebook. Allez, ce groupe s'appelle Thorium et le morceau qu'on écoute, Depravity. Le groupe s'appelle Thorium, c'est du très bon death metal avec le morceau Depravity. Allez, tout de suite, voici Dead Sharp Figurine avec le morceau Liberticide. « calme, tout se passe bien. Écoutez, voici le coup de cœur de la semaine de votre radio. Et le coup de cœur donc de la semaine pour moi, donc, c'est avec Burning Dead. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Eternal War. Allez, on va faire gagner encore un nouveau EP du groupe Fécampois à Giro. Donc, il suffit de me donner donc le nom du EP de ce groupe Burning Dead. C'est très simple, vous allez donc sur la page Facebook, voire sur Internet, et vous trouvez ça très vite. Allez, on écoute Burning Dead, ça s'appelle Eternal War, et c'est mon coup de cœur. So Le groupe est français, il s'appelle Burning Dead, et le morceau qu'on a écouté, donc, Eternal War. Donc, ils ont sorti ce EP le 23 mars 2018, il s'appelle Tell Coming. Donc, c'est du très bon heavy metal. Ils ont une page Facebook, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez aller y faire un petit coup d'œil, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, oui, voilà, j'ai trouvé le mot. Allez, voici Napalm Death, et ça s'appelle Losers. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici un groupe qui s'appelle Tehavi. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Satan is Back. Bonne écoute. Les dédicaces. Et oui, oui, vos dédicaces, donc comme chaque lundi, donc dans le Metal Express. Tout de suite, donc ça m'a été demandé par Easy Joe. En premier, Def Leppard avec Pour Some Sugar on Me, suivi de Iron Maiden, Can I Play Witch Madness. Allez, c'est parti. Step inside, walk this way, you and me, babe. To wonder if I'm free. Give me a sense of Voilà, donc c'était demandé par Easy Joe. Donc on a eu en premier Def Leppard et puis à l'instant Iron Maiden. Donc Easy Joe est un fidèle donc du Metal Express, également de Radio Heavy Metal. La prochaine dédicace donc c'est Valérie Robas, elle également est une fidèle donc du Metal Express et de Radio Heavy Metal. Elle m'a demandé donc Motley Crue avec Girls, Girls, Girls, suivi de Scorpion, avec Bad Boys, Running Wild, et suivi de Bon Jovi. Allez, bonne écoute, vous êtes dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, jusqu'à 21h. We'll be right back. Donc à l'instant, le morceau qu'on a écouté, Let Your Hands On Me, donc ça a été demandé par Valérie Robas, Il y a eu également premier Motley Crue avec Girls, Girls, Girls. Et puis également Scorpion avec Bad Boys, Running Wild. Allez, voici une prochaine dédicace. Donc ça, c'est moi qui va la faire et c'est pour mon ami Avalon Louis Chameau. Voici le nouveau single de Jamie Lee Smith avec le morceau You Know My Problem, I Know More. Bonne écoute. Problème avec un grand pays, mais je savais t'avais quelque chose en toi. Demoiselle donc est belge, elle s'appelle Sammy Lee Smith. Elle est d'ailleurs chanteuse du groupe Azilaya, c'est excellent. Donc son nouveau single qu'on vient d'écouter à l'instant, qui s'appelle You're Not My Problem Anymore. Donc elle a une page Facebook et vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like au passage. Fait toujours plaisir, comme je dis, à chaque fois. Allez, voici Well Done, le morceau qu'on va écouter, Lucrecia, My Reflection. « see for real. Such things I hear, they don't make sense. I don't see much evidence. Voilà, donc qui nous vient de Seattle, il s'appelle Walden, le morceau qu'on a écouté, Lucretia, My Reflection, et puis c'est un mélange de metal gothique, progressive, rock, c'est excellent, il a une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour, et puis un petit like, au passage, ne vous coûte rien. Allez, on va passer avec un groupe maintenant qui s'appelle Aiden, et puis le morceau s'appelle À tout jamais. Tourner le dos à l'ignorance, au nom d'oiseaux, l'indifférence, taire la colère par le silence, ces jeux de pierre. Tournez les voix vers l'avenir, sans le scandale ou le délire. Ce besoin d'air et d'évasion vers les mystères et l'horizon. Ouvrir la cage, est-ce un volet, tourner la page de c'est du très bon pop rock. Ils sont havrais, ils sont normands, donc comme Radio Heavy Metal. Le groupe s'appelle Eden et le morceau qu'on a écouté s'appelle À tout jamais. Donc, ils ont une page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour. Il y a des vidéos et les événements, etc., etc. N'hésitez pas donc à aller y jeter un petit œil. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Vomito Lie. Et ça s'appelle Mass Extermination. Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Radio Heavy Metal. Heavy Metal. Et oui, oui, donc sur Radio Heavy Metal, voici Elvilon. Le morceau, ça s'intitule Silence from the Deep. Where has the magic spell gone? Where très bon symphonique metal. Le groupe est allemand, donc il s'appelle Helvellyn. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Silence from the Deep. Allez, en attendant, voici un groupe qui s'appelle Evercross et le morceau World at War. S'appelle Overcross et le morceau qu'on a écouté World at War. Allez, ça s'appelle The Hypothesis et le morceau qu'on écoute Welcome the Darkness. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Allez, on va essayer de bien le dire, The High Hypothesis, le groupe et le morceau qu'on a écouté, Welcome the Darkness. Allez, maintenant, je vais faire gagner encore un EP donc du groupe Fécampois Agiro. Je vous rappelle que ce nouveau EP est sorti le 18 mai, donc, et s'intitule Dance Witch My Shadow. Donc cet EP est à gagner, encore une fois, et donnez-moi donc le nom de l'album qui va suivre à l'instant. Le groupe s'appelle Metallica, le morceau My Friends of Misery. Allez, bonne chance, c'est très simple, c'est trop facile même. We'll be right back. Voilà donc, c'est tout pour ce soir. Je vous rappelle donc que Radio Heavy Metal sera... Non, pardon, Metal Express sera rediffusé donc sur deux radios, c'est-à-dire Canal Fuzz Radio, mardi de 20h à 22h, et Radio Fréquence Zik, dimanche de 21h à 23h. N'oubliez pas qu'il y a la page donc Facebook de Radio Heavy Metal et puis également la page Facebook du Metal Express. Donc n'hésitez pas à m'écrire et je répondrai. Je vous rappelle donc également sur Radio Heavy Metal les programmes, donc tous les lundis de 19h à 21h, c'est le Metal Express, c'est avec moi donc, suivi ensuite de Vampire Freaks avec Spike de 21h jusqu'à 23h, donc c'est juste derrière là, hein, dans 2-3 minutes. Et puis chaque premier mardi du mois, il y a Jeff avec son émission Purgatoire, donc c'est du hard rock des années 80. Je vous garantis, c'est du 80, quoi. C'est de 19h à 20h, et donc c'est les premiers mardis du mois, voilà. Le vendredi, donc, c'est de 20h à 22h. Ne manquez pas le singe poilu, le rock à kiki, avec Bastien. Et le samedi, donc, on retrouve Emmanuel Moissé avec son émission Tapage Nocturne de 21h à minuit, 3h de métal. Donc c'est excellent. Écoutez donc le programme du Metal Express et du Metal Radio Heavy Metal, que je veux dire. Bah, j'ai du mal, hein, à la fin. Allez, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas que le podcast, c'est demain, mardi, soit le midi, soit le soir. Ça sera de toute façon sur la page Facebook Radio Heavy Metal et puis la page Facebook Radio Heavy Metal. Bon, bah moi j'ai tout dit, je crois que je suis en train de me mêler les pinceaux, je vous laisse. Je vous dis une très bonne soirée. Allez, ciao! À toi Spike!